Annonce 3. Votre attention, s'il vous plaît. Voie I. En raison de la panne d'un autre train, le TGV 6776 à destination de Paris, départ prévu à 19h15, est annoncé avec un retard de 40 minutes. Merci de votre compréhension.